Le constat amiable d'accident signé par les conducteurs des véhicules mis en cause doit être retourné à l'assureur dans un délai maximum de 5 jours ouvrés après l'accident. Si le sinistre est un vol, ce délai est réduit à 2 jours ouvrés ou 48 heures. Réponse D.